Y'a que qui pichent pas le que tru, du rap cru ma gueule, vu qu'ils veulent que je parle que de brut. Grand, y'en a plein qui se branlent sans le net, réussir sans emprunt et sans empreinte de gland, sans l'élève en dent. Le médiateur est un dealer de camouflage, mec, les comme en face ont peur qu'à l'arc-en-ciel les couleurs camouflage. Les ennuis, tu les fumes et t'es dedans, et puis la nuit pour se détendre, ça fume la huile depuis la nuit des temps. Oui, je prends large, je prends de l'âge, faut prendre l'argent, c'est la mort dans l'âme, je leur rentre dans l'art. Très très nerveux, l'air de rien, je repère très très merdeux depuis la primaire. T'affiches, ils ont raison fils, calme-toi. Je suis cramé d'office pour des raisons fiscales, je crois. Un carnage, préviens les parents des morts. Ça fera une parodie morbide produite par un des morts. Ça fait un bail qu'on se lève plus de bonheur. Dites-leur qu'il y a plus de bruit, plus d'odeur. Ouais, dites-leur qu'on est juste au cœur du problème. C'est quoi le problème, hein? Dites-leur, on veut pas la légion, mais juste l'honneur. On se lève plus de bonheur. Ouais, dites-leur qu'il y a plus de bruit, plus d'odeur. Dites-leur qu'on est juste au cœur du problème. C'est quoi le problème? Hitler. On veut pas la légion, juste l'honneur. On voudrait tous la faire au jam, sans rester au jam. Jaira polyjam et pur odeur en grosse bécane. Faya dans nos crânes, là y'a la vie chai. Et dis-moi au final, mec, qu'est-ce qu'on y gagne? Nada, Jalamaya tire, ça y'a rien à dire. La dalle vient maladive, ralenti avant le deal fatal. Avant que soit nif, diminue la tease. Dis-lui dans la piste, dis-lui qu'on continue le doigt dans la prise. Yeah. Prisonnier de la street, disons qu'on est la petite prison. Issue de l'Afrique, issue de la terre, ils ont puisé leur fric. Sous l'emprise substance illicite. On est dans le cycle, danse sur n'importe quel zig quand y'a du pif dans le slip. Si ce que je te dis c'est ce que tu penses, alors pisse, alors brise le silence avant qu'il brise. Avant qu'il te menace, avant qu'il te dise tu te casses toi et ta valise. Avant qu'il te dise qu'il faut que tu casses pour vandalise, mieux en fils. Ça fait un bail qu'on se lève plus de bonheur. Dites-leur qu'il y a plus de bruit, plus d'odeur. Ouais, dites-leur qu'on est juste au cœur du problème. C'est quoi le problème, hein? Dites-leur, on veut pas la légion, on est juste l'honneur. On se lève plus de bonheur. Ouais, dites-leur qu'il y a plus de bruit, plus d'odeur. Dites-leur qu'on est juste au cœur du problème. C'est quoi le problème? Dites-leur, on veut pas la légion, juste l'honneur. Y'a pas de truc que t'avais dans la choupi doupidou. J'suis plus de la mais j'suis que les tombes qui mettent des doigts. Dans mes roya, c'est rap, gâche d'alléluia. J'suis venu prendre le pouvoir avec un son dans les youvois. Si t'as un G, SXR, vite les bleus. Si c'est un C, reste qui te sert, vite baisse-le. Un truc de teigne. Hey, mon département, capitale du cannabis 92. Hey, y'a pas d'indic dans la tire. Dis au Schmitt de repartir parce qu'y'a rien à voir, rien à dire. C'est stéréo, charge et gyrophare. Ça fait hasta luego, black, comme ça que je dis au revoir. Hey, moi MC, je sais quitter. Avec ta clique, tu fais pitié. Y'a 16 couilles, un seul mec équipé. Qu'on se lève plus de bonheur, qu'il y a plus de bruit, plus d'odeur. Qu'on est juste au cœur du problème, c'est quoi le problème, hein? Qu'on veut pas la légion, mais juste l'honneur. On se lève plus de bonheur, ouais, dites-leur. Qu'il y a plus de bruit, plus d'odeur, dites-leur. Qu'on est juste au cœur du problème, c'est quoi le problème, dites-leur. On veut pas la légion, juste...